Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Nous disons merci à Jésus. Tunasema asante kwa Yesu. Pour la vie. Juya buzima. La vie est précieuse. Buzima ni bwa damani. C'est un don gratuit. Ni zawadi ya bule. Dieu nous a compté parmi les vivants. Mungu alituhesabia katikati ya wenye kuishi. Alors que nombreux sont en train de gémir. Wakati ba mingi beko mukuugua. Dans les hôpitaux. Mu mahopitali. D'autres décèdent même à ce moment même. Bengine beko nakufata mwi wakati. Sont en train de décéder dans les hôpitaux. Mu mahopital. D'autres dans des accidents. Bengine mu mamisiba. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Muko vitu vya mingi vinafanyika mudunia. Mais nous, par sa grâce, lakini si kupitia neema yake, il nous a donné la vie. Anatukaburia bujima. Et il nous a donné aussi la force. Na anatupatia pia nguvu. Et il nous a encore donné le privilège d'être dans sa maison. Na anatukaburia bahati ya kuya mnyumba yake. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Alors, je vous invite à vous lever. Na mialika mpate kushimama. Passons à la lecture de la parole. Tome neno ya Mungu. Nous lisons dans Actes chapitre 7. Tunasoma Matendo ya Mitume sura ya 7. Verset 51. Makumi tano na moya mstari. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma jina ya Bwana Yesu Kristo. Homme au courage, bantu ya mashingo nguvu. Un circoncis de cœur et d'oreille. Bashipe kutahiriwa roho na mashikio. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, une fois de plus, nous te disons merci. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Regarde-nous au travers du sang versé à Golgotha. Sanctifie-nous, purifie-nous. Nous recommandons ce moment en tes saintes mains. Que la puissance du Saint-Esprit se déverse en ces lieux. Conduis-nous au moyen du Saint-Esprit. Dispose-nous à t'écouter, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi la vie. Nous voulons recevoir de toi les bénédictions. Nous voulons recevoir de toi la force et le secours. Sois exalté. Sois glorifié. Sois loué à jamais, Seigneur. Bénis la lecture que nous venons de faire. Bariki usomi tunatoka kusoma. Ou est l'orateur. Upakale Mungu. Ou est l'interprète. Upakale la tafsiri. Ou est tout l'auditoire, Seigneur. Upakale élève-nous dans ta présence. Utunyanywe pale pa juu. Commence avec nous et termine avec nous. Uanze nasi na kumaliza nasi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Mungu embariki. La circoncision du cœur et d'oreille. Kutahiriwa kwa roho na masikio. Abraham a été circoncis. Ibrahim alitahiriwa. Et c'était une alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité après lui. Na ilikuwa ni agano ya Mungu na Ibrahimu na uzao kisha yeye. Nous avons parlé beaucoup hier de l'obéissance. Tulisema sana jana juu ya kutii. Sans l'obéissance, bila utifu, c'est vraiment très compliqué. Biko vya hatari. Si nous nous disons que nous sommes des chrétiens, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, la foi que nous avons en Jésus-Christ doit marcher ensemble avec l'obéissance. La foi doit être accompagnée de l'obéissance. La foi ne marche pas seule. Mais la foi est accompagnée de l'obéissance à la parole. Sans l'obéissance à la parole, Dieu ne nous donnera pas le signe de ce qui est la circoncision du cœur. Mungu asiwezi kutukaburia kamwe alama yenye kuya kutahiriwa kwa roho. Kie le baptême du Saint-Esprit. Yenye kuya ubatizo ya Roho Mtakatifu. Sans l'obéissance. Bila utifu. En tout cas, il est impossible. Biko nguvu. Que Dieu vienne approuver la foi que nous avons. Mungu apate kuya kukubali imani ile tuko nayo. Donc nous avons l'obligation d'avoir la foi et l'obéissance. Tuko na mapasho ya kuya na imani na kutii. De vivre la parole de Dieu. Ya kuishi neno ya Mungu. L'obéissance. De se tenir toujours aux promesses de Dieu. Ya kushimamia pa kumalako ya Mungu. L'obéissance. De ne pas marcher contrairement à la parole. Tusitembee kipindupindu na neno. L'obéissance. De demeurer toujours sur les pas de la parole. Ya kudumu kila mara mu atua ya neno. Alléluia. Et nous avons montré que la circoncision de la chair aujourd'hui n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est obéir au commandement de Dieu. Et Jésus-Christ, lui la vraie postérité d'Abraham, il était obéissant. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ doivent marcher sur le même pas de l'obéissance. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez à la parole, mais vous n'obéissez pas à la parole. Ça, c'est très compliqué. Si nous croyons à la parole, ce qui prouve que nous croyons à la parole, c'est que nous sommes derrière chaque parole de Dieu. Nous obéissons à chaque commandement de Dieu. Amen. Amen. Et il est écrit ici, Paul donne le conseil aux Philippiens. Paule, Filippo. Écoutez, Fikiliza. Philippiens chapitre 2, wa Philippe, sura yake ya pili. Verset 5, il dit ceci, anasema, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mupate kuwa ndani yenu na mania ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Quels sont ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ni mania kani ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. Le verset 8. Mstari wa 8. On peut continuer à lire. Tunaweza kuendelea kusoma. Ouais. OK. Bon, le verset 8. Tuwe mstari wa 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ était obéissant. Jésus-Christ il était toujours obéissant. Lui, la vraie postérité d'Abraham. Nous tous qui croyons en Jésus-Christ aujourd'hui, nous qui avons la foi, c'est nous qui sommes la postérité d'Abraham au travers de Christ. Si Christ était obéissant, nous devons aussi revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Christ était obéissant. Christ était humble vis-à-vis de la parole. Nous aussi nous devons être humbles. Nous aussi nous devons être obéissants. Amen. L'obéissance, c'est la meilleure des choses que Dieu désire. L'obéissance. Dans 1 Samuel chapitre 15. Samuel wa kwanza sura 15. Ici, c'est Samuel qui parle de l'obéissance. Hapa ni Samuel qu'on a semé à Dieu à outil. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Samuel wa kwanza sura 15, mstari 22. Écoutez ce qui est écrit ici. Sikiliza kile kinaandikiwa hapa. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Samuel wa kwanza 15, mstari 22. Samuel dit, Samuel akasema, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Eti wa milele anegalaka mkufurahiwa na hii masadaka na madhabihu. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Sawa kutii ku sauti ya wa milele. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tazama kutii kunapita masadaka. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Na kushika neno yake kunapita ile mafuta ya bambuzi. Vous comprenez? Unaelewa? Les sacrifices. Masadaka. Les holocaustes. Madhabihu. C'est bien. Mzuri. Faire de bonnes œuvres, c'est tout à fait bien. Mzuri. C'est en ordre avec la parole. Mais ce qui est beaucoup plus important devant Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. C'est observer ses commandements. Alléluia. Voilà, on nous dit ceci. Dans la prédication, le signe du 1er septembre 1963. Écoutez, il dit ceci au paragraphe 347. Je crois que nous ne ferons pas longtemps ici aujourd'hui. Écoutez, l'entière, eh bien, et regardez bien, l'entière obéissance à toute la parole de Dieu nous donne droit au signe. Église, vous comprenez? L'entière obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, Dieu n'observe pas autre chose. Mungu il ne regarde que sa parole. Et il nous regarde comment nous agissons vis-à-vis de sa parole. L'entière obéissance à la parole de Dieu, cela nous donne le droit de recevoir le signe. Alléluia. L'entière obéissance. Non pas en partie de l'obéissance. En une partie seulement de la parole. Non, mais c'est l'obéissance à toute la parole de Dieu. Nous devons obéir à toute la parole de Dieu. Si nous sommes la postérité d'Abraham, nous devons obéir à toute la parole de Dieu. Et l'entière obéissance à la parole de Dieu nous donne le droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Au paragraphe 338, c'est la même chose. Le signe indique que l'acquisition a été faite et acceptée. Vous ne pouvez pas obtenir votre ticket de la compagnie des chemins de fer avant d'en avoir payé le prix. Quand Dieu vient vous donner le signe, cela indique que votre foi a été accepté. Écoutez, vous ne pouvez pas obtenir le ticket à moins d'en avoir payé. À moins d'en avoir payé le prix. C'est de le payer. Il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer le prix. C'est de le payer. Si vous voulez avoir les tickets, les billets par exemple d'avion, l'obligation que vous avez c'est de le payer par rapport au montant qu'ils ont donné. Et avec Dieu aussi, le signe, vous nous l'aurez qu'après avoir cru et obéi à la parole de Dieu. C'est ça le prix pour obtenir le signe. Il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer le prix. C'est de le payer. C'est exact. Quoi donc? Y croire. L'accepter. Alors, une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Je ne sais pas si vous êtes là. Une entière obéissance. Non pas en partie. Ou aussi loin qu'ira votre dénomination. Mais en entier. L'entière obéissance à la parole. Qui est Christ, vous fait entrer en Christ. Alléluia. L'entière obéissance à la parole de Dieu. C'est la même chose au paragraphe 340. L'obéissance entière. L'obéissance complète. Fait que vous et la parole, vous n'êtes qu'un. Vous la croyez, toute, yote, chaque mot kila musemo, et elle est toute en vous. Na yote na kwa ndani yako. Et vous la regardez agir à travers vous. Na uko na yone inaanza kutenda kupitia wewe. L'entière obéissance à la parole de Dieu. Kutiko tele kwa neno ya Mungu. Nous donne le droit de recevoir le signe. Inatukabilia halali ya kupata alama. L'entière obéissance à toute la parole de Dieu. Kutiko tele kwa neno yote ya Mungu. Nous donne l'accès de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Inatukaburia sasa ruhusa ya kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Quand Abraham a obéi à toute la promesse. Wakati Ibrahimu alitii kumalako yote. Il a obéi à toute la promesse que Dieu lui avait faite. Alitii kumalako yote Mungu alimfanya. Dieu n'a pas croisé les bras. Mungu asikufunga mikono. Dieu était descendu. Mungu alishuka. Et il a fait l'alliance avec Abraham. Na alifanya agano na Ibrahimu. C'est la même chose avec nous aussi. Ni mambo moya moya na sisi leo. Nous devons croire à toute sa parole. Tunapaswa kuamini neno yote ya Mungu. La promesse de Dieu. Malako yote ya Mungu. Et en croyant. Na mkuamini. Nous obéissons à toute la parole. Tunatii neno yote. Quand nous obéissons toute la parole. Wakati tunatii neno yote. Dieu. Mungu. Qui nous envoie le Saint-Esprit. Bila kutumia Roho Mtakatifu. Inspecteur, sawa, pour venir inspecter chacun de nous, kila moja wetu, il nous scellera de son sort. Alléluia. Ya et à ce moment-là, wakati, nous serons prêts pour l'enlèvement. Dans Actes chapitre 5, Actes le chapitre 5, Matendo sura 5, le verset 32, nous l'avons déjà lu la fois passée, je crois. Actes chapitre 5. Matendo ya mitume sura ya verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Tuko bashuda baibi. C'est même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Frères et sœurs, si vous obéissez à Dieu, kama unati Mungu, dans toute sa parole, neno yake yote, frère, nduku, Dieu vous donnera le signe. Mungu atakupa alama. Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Mungu atakupa Roho Mtakatifu. Mais si vous êtes désobéissants, quand vous êtes désobéissant à la parole, vous supportez les conséquences. La parole dit ceci, vous faites autre chose, faut supporter les conséquences. Si la parole vous dit d'aller à gauche, allez à gauche. Si la parole vous demande d'aller à droite, allez à droite. Si la parole vous dit de regarder tout droit, allez-y regarder tout droit. Si vous faites le contraire de ce que la parole de Dieu vous demande, vous n'obtiendrez jamais le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit en vous, c'est la présence de Dieu lui-même en vous. Alléluia. Et Dieu ne viendra pas habiter en nous s'il y a encore un, ça ne va pas. Nous avons lu ça hier. S'il y a encore des, ça ne va pas. S'il y a encore des, laissez aller. Laissez aller dans la vie de prière. Laissez aller dans la vie, dans la vie sociale. Vous vous comportez tellement de manière bizarre. Vous êtes toutefois réprochable. Vous avez le laissez aller. Vous avez encore la négligence dans la vie de la parole. Vous avez encore la négligence dans tous les commandements de Dieu. En tout cas là, l'inspecteur, le Saint-Esprit ne viendra pas vous sceller. Alléluia. Oui, bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Dans Jean chapitre 15, le verset 10. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est même que j'ai gardé le commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour. Oui, frère. Si vous demeurez, vous gardez le commandement de Dieu. Vous vivez la parole. Vous marchez selon la parole. Dieu viendra demeurer en vous. Alléluia. Dieu, il ne vient que demeurer dans le cœur de ceux qui le craignent. Dans le cœur de ceux qui craignent Dieu. Ceux qui vivent la parole de Dieu. C'est C'est dans ce cœur-là que Dieu vient habiter. Oui, frère. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Au verset 14. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Nous sommes amis de Dieu si nous faisons seulement ce que Dieu nous commande. Et si nous ne faisons pas ce qu'il nous commande, nous serons toujours ses ennemis. Oui, mes frères et sœurs, si nous disons que nous croyons Dieu, nous croyons la parole de Dieu, nous devons garder ce commandement. Nous devons vivre sa parole. Alléluia. Oui, frère. Oui, Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Dieu. Vous croyez la parole de Dieu. Mais vous menez un autre genre de vie. Un autre genre de vie. Ça ne marchera pas. Si vous menez un autre genre de vie, ça prouve que Dieu n'a pas trouvé de place en vous. Vous marchez contrairement à la parole de Dieu. Cela prouve même que vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, il marche selon la parole. Et les œuvres de la chair, sont enterrées. Alléluia. Les hommes de la chair sont enterrés. Et Christ prend place en vous. Il commence à vous gérer. Il commence à diriger vos émotions. Il commence à vous conduire dans l'obéissance de la parole. Alléluia. Oui, frère. Quand quelqu'un dit qu'il croit, mais qu'il mène un autre genre de vie, ça prouve justement que c'est un menteur. Oui, frère. Quand quelqu'un dit qu'il croit, qu'il accepte Jésus-Christ dans sa vie, la vie de Jésus doit se manifester dans cet homme-là. La vie de Jésus doit se manifester dans cette femme-là. Oui, frère. Jésus, mais il doit vivre en nous. Ce que nous faisons doit prouver au monde que Jésus est en nous. Amen. Ce que nous faisons dans la vie, cela doit prouver au monde. Le monde doit en parler. Si le monde n'en parle pas, c'est qu'il y a encore rien, c'est que rien ne s'est fait. Et rien ne s'est passé. Oui, bien aimé. Si nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons la parole, que nous sommes derrière sa parole, obéissons à la parole, vivons comme Christ. Le sentiment qui était en Christ, c'est d'être toujours agréable auprès de celui qui l'avait envoyé. C'est le même sentiment qui doit être en nous. Nous devons avoir le même sentiment, le sentiment de la foi, de vivre la parole, sentiment de l'obéissance. Alléluia. L'obéissance totale. L'obéissance totale à la parole. L'obéissance tout entière. C'est cela qui nous donne le droit de recevoir le signe. Oui, frères et sœurs. L'obéissance tout entière. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, dans Jean chapitre 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons le Seigneur, nous devons garder ses commandements. Si nous sommes en Christ, si nous sommes enfants de Dieu, gardons la parole de Christ. Alléluia. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Afin qu'il demeure éternellement en vous. Oh. Ces consolateurs, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Oui, frère, à quel moment que le consolateur doit venir habiter en nous? C'est au moment que nous obéissons à la parole. Au moment que nous prenons le commandement de Dieu. Les commandements de Dieu deviennent notre vie. Alléluia. À ce moment-là, le Saint-Esprit viendra, le Consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce que le monde ne le connaît pas, mais vous le connaissez. Alléluia! Et le Consolateur, il sera en nous, il sera avec nous et il nous conduira jusqu'au bon port. Le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il nous conduira que dans la vérité. Nous ne marcherons que dans la vérité jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Le Consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce que le monde n'obéit pas au commandement de Dieu. Amen. Oui, bien-aimé, le monde ne connaît pas Christ. Mais toi et moi, nous connaissons Christ. Toi et moi, nous le connaissons. Oui, frère, nous le connaissons. Encore si nous le connaissons, mettons-nous en marche. Mettons-nous derrière lui. Et marchons ensemble avec lui. Alléluia. Les commandements de Dieu, qui n'est rien d'autre que sa parole. Mettez le commandement de Dieu en pratique. Si vous gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Gardez le commandement de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Le commandement de Dieu, qui est sa parole. Sa parole qui nous donne la vie. Sa parole qui nous vivifie. Sa parole qui nous fortifie. La parole qui nous bénit. La parole qui nous amène au bon port. Oui, frères et sœurs. Demeurons derrière le commandement de Dieu. Demeurons derrière la parole de Dieu. Obéissons à toute la parole. Oui, frère. Vous ne pouvez pas être un chrétien, mais vivre contrairement au christianisme. Le christianisme, ce n'est pas un simple slogan. Le christianisme, c'est une expérience. C'est un genre de vie. C'est la vie de Christ. Amen. Oui, frère, vous ne pouvez pas être à Christ et vivre comme le reste du monde. Non, frère, si vous vivez contrairement à la parole, cela montre de quelle direction vous suivez. Et la direction qui est contraire à la parole, c'est la direction qui amène à la perdition. Amen. Oui, frère. Écoutez un peu ce que le serviteur de Dieu nous dit ici. Au paragraphe 55, la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mon paragraphe 55, maubiri. La deuxième partie du paragraphe. Qui parle de pili, qui a il est maubiri. Écoutez, frère. Fikiliza. Le Jésus, yes, qui vous envoie, il va avec vous. Yes, et il est en vous. Et si cet esprit qui vivait en Jésus-Christ lui a fait vivre ce qu'il a fait et l'a fait agir comme il l'a fait, ça vous donne une idée générale de ce qu'il fera quand il sera en vous. Parce que Cette vie ne peut pas changer. Ile bujima haiwezi kubadilika. Oui, frère. Ndio ndugu. La vie qui était en Christ. Maisha kwa ndani. C'est cette vie qui est en nous. Kama ndio maisha kwa ndani. Cette vie là ne peut pas changer. Ile bujima haiwezi kubadilika. Jésus n'avait que la vie de la parole. Yesu alikuwa paka na maisha ya neno. C'est cet esprit là qui était en Jésus-Christ. Kama ile roho ilikuwa ndani ya Yesu. C'est cet esprit qui est en nous. Ndio ile iko ndani yetu. Nous devons marcher en même genre de vie que la vie de Jésus. On va passer à kutembea namna moya sa maisha Yesu Kristo. Alléluia. Cette vie-là, il est maisha ile. Va passer d'un autre corps à l'autre. Tapita mwili ingine, mwili mais ingine. Elle ne peut pas changer de nature. Haiwezi kamwe kubadilika asili yake. Pourquoi? Jia nini? Car c'est Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en Christ. Il vivait la parole. Si c'est le même esprit qui était en Jésus-Christ, c'est le même esprit qui est en nous. Nous devons aussi vivre la parole. Amen. Nous ne pouvons pas vivre contrairement si nous avons Christ en nous. Si nous sommes nés de nouveau, nés de la parole de Christ, nous devons marcher comme Christ a marché. Si nous marchons contrairement, alors il y a un autre Christ qui est en nous. C'est un autre Christ que nous avons reçu. Mais si nous avons reçu que le même Christ, que le Christ qu'ont reçu les apôtres, nous devons marcher comme eux aussi marchaient. Nous devons avoir la vie de la parole. Oui, mes frères et sœurs, l'obéissance à toute la parole. L'obéissance à toute la parole. Pas une parole en partie, mais l'obéissance à toute la parole. L'obéissance à toute la parole nous donne le droit de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Merci beaucoup. Accent. Nous allons lever pour la prière.